d'Ouïman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Lancement officiel ce vendredi de la campagne électorale 2025. Les cérémonies ont été marquées par un défilé des candidats électoraux. C'était au stade Ingo Mado Gitega en présence du président de la République. Le parti CDP n'a pas pu s'y rendre par manque de moyens financiers. Reportage à suivre. Alors que l'Assemblée nationale a élu ce lundi de nouveaux commissaires de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, la rédaction revient sur certaines dispositions de la loi portant sa création en ce qui concerne son indépendance et sa crédibilité. Et le service de maternité à l'hôpital autonome d'Ngozi est dépassé par les effectifs des mères qui accouchent depuis la suspension de la gratuité de soins à l'hôpital de Kiremba de la même province. C'était fin février. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Lancement officiel ce vendredi de la campagne électorale 2025 au stade Ingo Mado Gitega. Les cérémonies ont été marquées par un défilé des candidats électoraux issus de 23 partis politiques sur 37 agréés. Les partis de l'opposition et les candidats indépendants ont dénoncé avoir été exclus de la mise en place des démembrements de la Commission électorale nationale indépendante CENI, ce qui à leurs yeux constitue un manquement grave dans les préparatifs des prochaines élections. Il demande que les élections futures soient organisées dans la transparence. Voici le reportage de notre envoyé spécial Evariste Nzikobanyanga, de retour de Gitega. Un défilé qui a vu la participation des candidats électoraux a précédé tous les discours prononcés lors de ce lancement de la campagne électorale. Dieudonné Nahimana, au nom de 11 indépendants, a salué l'organisation de ce lancement en unité, ce qui prouve à suffisance que la démocratie est en cours de consolidation au Burundi. Mais il a indiqué que le code électoral est à reviser car il discrimine une partie de la population. Selon Dieudonné Nahimana, l'article 174 du code électoral stipule que l'indépendant doit avoir 40% pour être élu député. C'est au moment où celui qui s'est fait élire du côté d'un parti politique est élu à 2%. Il faudra, dans l'avenir, nous aider pour que l'indépendant soit traité de la même façon que celui élu du côté du parti politique, conformément à la Constitution. Du côté des partis de l'opposition, l'on salue également le développement rassembleur du chef de l'État. Au nom de ses formations politiques, Nestor Girukushaka, président du parti CNL, ayant dénoncé la discrimination dans la mise en place de la CENI et ses démembrements, ainsi que les membres des bureaux de vote. Selon Nestor Ngirukwishaka, la mise en place des membres des bureaux de vote a eu lieu en violation flagrante de la loi. Le parti CNL n'a eu que 164 places au niveau national, qui comptait plus de 70 000 places, c'est-à-dire que le parti CNL n'a eu qu'un pourcentage de 0,23%. Vous entendez que l'article 40 n'a pas été respecté. Du côté du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, l'on ne se plaint pas, selon son secrétaire général Réveni Ndikuriyo, qui a représenté la mouvance à la préoccupation des partis politiques de l'opposition, disant que certaines autorités à la base verrouillent l'espace politique et perturbent les activités de ces partis politiques. Le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, a mis en garde ceux-là qui perturbent les activités des autres et demande aux instances habilitées à faire leur travail. 9662 candidats électoraux issus de 24 partis politiques étaient attendus dans un défilé de lancement de la campagne électorale qui s'est déroulé au stade Ingo Mado Gitega, le CNDD-FDD ayant été massivement représenté. Evariste Nzikobanyanga, mais le CDP n'a pas pu se rendre à Gitega pour ses cérémonies. Et la raison qui a poussé ce parti à s'absenter à Gitega, donc n'a pas pu déplacer ses candidats, Lors d'une conférence de presse ce vendredi, le président du parti CDP a demandé au gouvernement de mettre en place une station réservée uniquement aux responsables des partis politiques dans le but de faciliter la tâche aux politiciens durant cette campagne électorale parce que ils n'ont pas pu se déplacer par manque de moyens financiers. Pourquoi on n'est pas parti à Vitega? Nous avons un problème de déplacement, nous avons un problème de logistique. Parce que, vous voyez, les membres du parti CDP qui sont présents ici aimeraient tous être à Vitega. On allait se déplacer comment? La question du carburant qui a été promis aux responsables des partis politiques ou aux partis prenants aux élections, j'ai demandé si on peut donner le carburant pour au moins 20 véhicules. Ils ont dit non, c'est pour un seul véhicule, ça va servir à quoi? C'est pour 5 personnes. Un seul véhicule, c'est pour 5 personnes. Vous voyez? Nous sommes environ 1000 personnes ici. Tout le monde aimerait être à Vitega. Donc j'allais défiler seul, ou moi, avec le secrétaire général adjoint, avec deux autres. Et on va dire, voilà, le parti CDP n'a que 5 personnes, n'a que 5 membres. C'est le commentaire que vous alliez faire. Vous avez vu le parti CDP au stade? Il n'avait que 5 personnes. Alors, cette participation inégale au niveau des moyens. Le parti au pouvoir utilise les moyens de l'État, les véhicules de l'État, le carburant de l'État. Vous allez voir les administrateurs, les responsables administratifs, tout le monde est là, n'est-ce pas? Avec les véhicules de l'État et le carburant de l'État, n'est-ce pas? Et nous, on allait partir avec quoi? Les cotisations qui ont été récoltées dans la population. Même nos membres, ils ont payé 5 000 francs. Dans certains quartiers, 7 000. Et ce sont ces moyens-là qui sont en train d'utiliser pour faire une démonstration de force là-bas. Mais je vais vous dire quelque chose. Nous souffrons de la même manière. Il n'y a pas un Burundais qui a sa propre station, sa propre boutique, qui a son propre magasin. Nous avons les mêmes problèmes et nous aurons la même solution. C'était le président du parti CDP, Anissé Niyonkuru. Vous saurez que les prochaines élections communales et législatives auront lieu le 5 juin prochain. Et l'administration provinciale à Kayanza s'inquiète que cette campagne électorale coïncide avec les préparatifs du concours national. Et cela pourrait être à la base de la baisse du taux de réussite. Juvenal Monihanguye, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, appelle les élèves et les enseignants à ne pas se laisser emporter par les élections, mais plutôt de redoubler d'efforts dans les préparatifs du concours national prévu le mois en cours. Patrick Saint-Guillaume. D'après Juvenal Monihanguye, directeur provincial de l'éducation en province Kayanza, les préparatifs du concours national édition 2024-2025 vont bon train. Il indique que dans beaucoup d'établissements scolaires à Kayanza, les programmes d'enseignement dans la classe de la 9e année ont été achevés. Le directeur provincial de l'éducation à Kayanza demande aux enseignants qui n'ont pas encore terminé les programmes d'enseignement prévus de faire leur possible pour achever ces programmes d'enseignement avant la passation du concours national. Au moment où la période électorale coïncide avec les préparatifs du concours national, le directeur provincial de l'éducation à Kayanza demande aux élèves de ne pas se laisser emporter par les élections, expliquant que l'école est d'ailleurs en milieu apolitique. Rémi Tshishahayo, gouverneur de la province Kayanza, s'inquiète que s'il n'y ait pas un bon encadrement des élèves et des enseignants pendant cette période électorale, le rendement scolaire pourra chuter. Signalons que dans la province scolaire de Kayanza, 4945 candidats sont attendus à la passation du concours national, dont parmi eux 3130 filles et 1815 garçons. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumba pour la radio Isanganilo. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Le service de maternité à l'hôpital autonome de Ngozi est dépassé par les effectifs des mères qui accouchent depuis la suspension de la gratuité des soins à l'hôpital de Kirimba de la même province. C'était fin février. Regret exprimé par le médecin directeur de cet hôpital, Guillaume Naou Kuriliayo, qui dit que toutes les mamans des communes Marangara, Kirimba et autres affluent vers cet hôpital autonome de Ngozi. Plus de 150 nouveaux cas s'ajoutent actuellement, environ 300 cas normalement reçus. Les mamans trouvées sur place demandent au gouvernement de tout faire en vue de réinstaurer la gratuité des soins afin d'alléger leurs souffrances. Apollinaire Muzagara. Comme le montrent les effectifs recueillis auprès du service maternité de l'hôpital de 3e référence d'Ongozi, 394 femmes qui accouchent ont été accueillies au mois de mars et 460 au mois d'avril cette année. C'est au moment où les effectifs ne dépassaient pas 300 au plus en temps normal. À l'origine, d'après Dr Guillaume Naukurigayo, directeur de l'hôpital autonome d'Ongozi, c'est la suspension de la gratuité des soins pour les mères qui accouchent et les enfants de moins de 5 ans à l'hôpital de Kirimba, en commune Kirimba de la même province Ngozi. Dès lors, toutes les mamans qui accouchent proches des communes Kiremba, Marangara, Nyamurenza et autres se donnent rendez-vous à cet hôpital, selon son médecin directeur de l'hôpital. Les conséquences sont énormes d'après Dr Guillaume Naukuri-Diayo et les infirmiers de son service maternité. Les lits abritent actuellement deux mères alors qu'il y en a parmi elles seules qui accouchent par césarienne. Et bon nombre de ces femmes arrivent tardivement après avoir dépassé la période d'accouchement et suite à de longues distances à moto, les enfants souffrent énormément, d'où l'augmentation de la mort fœtale. Les médecins et infirmiers du service maternité disent aussi être dépassés et parlent d'énormes fatigues. Les femmes de Marangara, à 80 km d'Ngozi, rencontrées à cet hôpital, et même le docteur Guillaume déplore que la suspension de la gratuité des soins pénalise beaucoup les femmes de cette localité, d'où il demande aux responsables de ce programme gratuité des soins pour les mères qui accouchent et enfants de moins de 5 ans de s'entendre avec les responsables de cet hôpital de Kiremba afin d'alléger la souffrance de ces mères et enfants. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme n'est soumise qu'à la loi en vue de préserver son indépendance et sa crédibilité. C'est le contenu de la loi du 5 janvier 2017 portant sa création. Cette loi dispose que dans le cadre de la protection et de la défense des droits de l'homme, la Commission a notamment pour mission de recevoir des plaintes et enquêter sur les cas de violation des droits de l'homme. Nous vous éclairons sur certaines dispositions de cette loi après l'élection ce lundi par l'Assemblée nationale de nouveaux commissaires de la CNIDH. Et c'est avec Stella Ndaïchimi. Comme le prévoit l'article 5 de cette loi, dans le cadre de la promotion des droits de l'homme, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme a pour mission d'organiser des formations sur les droits de l'homme, d'assurer la promotion des droits de la femme et de l'enfant, de vulgariser les instruments nationaux et internationaux de promotion des droits de l'homme, contribuer à la promotion des principes d'égalité et de non-discrimination tels que garantis par la Constitution, ainsi que donner des avis et recommandations au pouvoir public sur des questions touchant les droits de l'homme. Dans son article 4, cette loi prévoit que dans le cadre de la protection et de la défense des droits de l'homme, la CNIDH a notamment pour mission de recevoir des plaintes et enquêter sur les cas de violation des droits de l'homme, effectuer des visites régulières, notifiées ou inopinées dans tous les lieux de détention, prévenir la torture, lutter contre les viols et les violences basées sur le genre, saisir le ministère public des cas de violation des droits de l'homme, apporter ou faciliter l'assistance judiciaire aux victimes des violations des droits de l'homme, en particulier les femmes, les enfants et autres personnes vulnérables, ainsi qu'attirer l'attention du gouvernement sur tous les cas de violation des droits de l'homme. D'autres missions à accomplir par cette institution, comme le précise l'article 6 de cette loi, sont d'encourager les organes compétents de l'État à ratifier les conventions relatives aux droits de l'homme, inciter les organes compétents à soumettre à temps les rapports que le Burundi doit présenter aux organes conventionnels des Nations Unies et au niveau régional. Il a également pour mission d'entretenir des relations de coopération avec les organisations nationales des droits de l'homme des autres pays. Dans son fonctionnement, cette commission n'est soumise qu'à la loi en vue de préserver son indépendance et sa crédibilité. Aucun organe étatique ne peut lui donner des injonctions dans l'accomplissement de ses missions. Tous les services de l'État lui accordent l'assistance et le soutien dont il a besoin, conformément à l'article 2 de cette loi régissant la création de cette institution. Stella Ndaïchimi. Certains habitants de la cellule Mugoboka 1 de la zone Rohero en commune Mukaza de la mairie de Bujumbura se plaignent des eaux qui coulent sans cesse dans certains robinets publics, pendant que d'autres robinets sont secs depuis une semaine. Tout est consécutif à un tuyau en provenance du barrage Kinouké qui s'est cassé à cause de la forte pression et qui a été mal réparé. Cette population dénonce également un vol du matériel utilisé pour fermer ses robinets. On fait le point avec Brenda Irambona. Nous sommes dans le quartier Mutanga Sud, cellule Mugoboka 1, zone Rohero, commune Mukaza, où le problème de fuite de l'eau se pose. Certains habitants précisent que c'est dû aux pièces destinées à fermer le robinet public volé. Ces habitants estiment que C'est une perte de voir de l'eau qui coule tout moment. Le problème qu'on a est que l'eau coule tout le temps, sans cesse, alors qu'il y avait des pièces pour fermer les robinets, mais ils ont été volés. Ça ne dure pas longtemps, même pas deux jours. Si on trouve ces pièces pour fermer les robinets, il faut penser aussi aux veilleurs pour faire la surveillance pour éviter les cas de vol. Si l'eau continue à couler, ça reste un problème car nous ne trouvons pas d'eau. Au même moment, d'autres regrettent que des robinets publics d'autres localités viennent de passer une semaine à sec. Nous venons de passer toute une semaine sans eau dans nos robinets. Pour en avoir, nous attendons le retour après la descente dans l'autre côté. Je pense qu'ils ont fermé la vanne, une partie là-bas au-dessus. Et s'il y a une erreur en fermant la vanne, c'est pour cela que ça nous devient difficile pour avoir de l'eau. Ces habitants demandent aux concernés de tout faire pour résoudre ces problèmes. Pierre Nimbona, chef adjoint de cette localité où il y a fuite d'eau, confirme cette situation. Nous, autorités administratives, si nous regardons comment l'eau coule, nous considérons comme une perte pour le gouvernement, car ces eaux ont une source et le gouvernement a beaucoup dépensé pour que la population soit alimentée en eau potable. Les pièces destinées à fermer ont été volées et la population a tenté de fermer via le compteur et voilà. Même la pièce utilisée pour fermer passant dans le comté ne fonctionne pas. Nous demandons que la régie des eaux nous trouve d'autres pièces pour éviter la fuite de l'eau et de réparer la partie du comté qui ne fonctionne pas pour que les citoyens trouvent facilement de l'eau. Dans ces quartiers, le cellier de Mugoboka 1 et 2 enregistre ce problème suite au tuyau cassé alors qu'il alimente ces localités comme le soulignent les habitants. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le Conseil des ministres est tenu ce mercredi à adopter le projet de décret portant réorganisation de l'administration provinciale. Dans un extrait du compte-rendu de ce conseil, lu par le secrétaire général de l'État, Jérôme Nyonzima, il ressort quelques innovations apportées par ce projet de décret. C'est notamment le renforcement de l'autorité du gouverneur, l'élargissement de son cabinet en lui dotant d'autres conseillers et la création des services au sein du cabinet du gouverneur. Écoutez ces précisions. La loi organique numéro 1/05 du 16 mars 2023 portant détermination et délimitation des provinces, des communes, des zones et des collines ou quartiers de la République du Burundi a réduit le nombre d'entités territoriales passant de 18 à 5. Du fait des dimensions spatiales agrandies, ces entités nécessitent un changement dans l'organisation et le fonctionnement de leur administration, d'où ce projet de décret. Ce projet de décret vient aussi se conformer à la Constitution de 2018 qui accorde aux gouverneurs de province des prérogatives de coordination des services de l'administration œuvrant dans la province, ainsi qu'à la loi portant réorganisation de l'administration communale et la loi portant organisation de l'administration publique. Ainsi, ce projet de décret apporte entre autres innovation. Premièrement, le renforcement de l'autorité du gouverneur à travers les pouvoirs qui lui sont conférés et par la Constitution, la loi communale et la loi sur l'administration publique. Deuxièmement, l'élargissement du cabinet du gouverneur en lui dotant d'autres conseillers. Troisièmement, la création des services au sein du cabinet du gouverneur. Quatrièmement, la définition des relations entre le cabinet du gouverneur et les directions provinciales. Cinquièmement, le rattachement des services déconcentrés des établissements publics à autonomie de gestion au cabinet du gouverneur. Après analyse, le projet a été adopté avec entre autres recommandations de décharger la province des actes de l'état civil au profit de la commune, y compris la délivrance de l'attestation de bonne conduite, vie et mœurs. Et au ministère de penser déjà à la manière dont les directions provinciales de leur ministère seront organisées. Jérôme Nyonzima, porte-parole et secrétaire général de l'État, qui a également précisé que ce conseil des ministres a en outre retenu le prix de 2800 francs burundais par kilogramme de café cerise et de 500 francs bourg par kilo de feuilles vertes et de thé. C'est après analyse de tous les scénarios proposés dans une note sur la facture, sur la fixation de leur prix d'achat. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douimane.